LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Là, je vous amène à Aimeraville, plus précisément au Claude Emery, a.k.a. le Bronx. Le Bronx, c'est le nom que les habitants lui ont donné dans les années 90, par sa ressemblance au ghetto noir américain et par aussi le contexte politique et social qui régnait. Donc, le Bronx correspondait bien à ce quartier-là, que tu vas découvrir. Parce que je te préviens, moi, je ne vous vois pas, moi. Moi, je tutoie. Donc, tu rentres dans mon... Comme on dit, dans ma zone et dans ma bulle. Dans cette bulle-là, c'est beaucoup plus familier et beaucoup plus open. C'est un quartier qu'il faut voir de ses propres yeux, mais si je devais le décrire, en fait, il n'en existe pas deux comme ça, en tout cas au niveau de l'architecture. C'est une rue avec des pavillons qui se font face à face et qui sont entassés les uns sur les autres, avec des façades en chalet. On va arriver sur la rue principale bientôt. C'est un lieu où, par exemple, toute l'année, en fait, il y a un barbecue qui est allumé là-bas. Ça va, la culture de la barbaque là-bas, ça s'arrête jamais. Et effectivement, le samedi, pour ceux qui ont déménagé, bah, ils reviennent toujours. C'est un peu la maison mère, on va dire. C'est un peu la maison mère. Et puis, il y a encore pas mal d'habitants, pas mal de jeunes, pas mal de papa et maman qui vivent encore là-bas. Donc, faut y être pour comprendre un peu l'atmosphère, pour comprendre qu'en gros, c'est un jardin familial, en fait. Donc là, on arrive, là c'est le rond-point, t'as les jeunes, et tu rentres dans cette rue qui s'appelle la rue des Montagnes Bleues. Le Bronx, c'est l'ancien quartier d'Adama. Il n'y habite plus aujourd'hui, mais il y revient plusieurs fois par mois. C'est comment, mon gars ? Un quartier où tout le monde se connaît et se reconnaît. Tranquillement ? Ouais. Nous allons ouvrir la porte et les fenêtres, Sarbo, tu l'as vu ou pas ? Tourner nos esprits vers l'extérieur de notre logement. Ce cadre de vie si important, si décisif pour se sentir bien chez soi. Quel décor pour accompagner nos quotidiens? Quels voisins sommes-nous? Et qui laissons-nous entrer dans nos espaces? Ça va. Elle va bien. Bye. Donc voilà. Chez nous, une série documentaire d'Élodie Font et Véronique Samouiloff. Bienvenue au Bronx. Épisode 3. Tu seras bienvenue chez moi. Moi, j'habitais là. J'habitais Allée des Myrtilles. Et en vrai, c'est une rue qui est parallèle à celle de la rue des Montagnes Bleues. Donc, moi, du coup, quand je sortais de chez moi, je me dirigeais automatiquement dans cette rue-là. C'est ici que tout se passe, en fait. C'est ici, entre guillemets, la place du village. Enfin, tout le monde quitte sa maison pour se retrouver sur la place et savoir ce qui se passe, prendre les news, jouer, tout se passait ici, voilà. Ça va, Patch? Bien. Avant, il y avait les boîtes à lettres ici, il y avait le panneau qui était là. Et moi, j'habitais là. Il habitait là et moi, j'habitais un peu plus loin dans la rue. Si c'est un Allée des Myrtilles. Là, ici, là? Ouais, ici, là. Ça te procure toujours une émotion de revenir là? Bah, toujours, carrément. Parce que je sortais là d'ici et je me dirigeais tout droit pour aller au Bronx. Et nos meilleurs amis, pareil, tout le monde habite là, Allée des Myrtilles. Et donc, ça ressemblait à quoi à l'intérieur là? Ouais, un pavillon classique. Hein. On avait une, deux, trois chambres. Trois chambres, un salon, une grande cuisine. À l'époque, l'accès à la propriété comme ça, pour des familles d'immigrés dans les années 80, c'était rare déjà. Et ici, avant, il y avait un prunier, ils l'ont enlevé. Et tout le temps, chaque printemps, tout le monde escaladait pour venir prendre. Hey, mais c'était un truc, il rendait ouf. T'es posé dans ton salon, tu regardes la télé et tu vois des gens en train de grimper sur ton arbre pour prendre les prunes et tout. Tu vois. Descendez de là, putain. Il y en a, je vais te dire un truc. C'est qu'il y en a, pour qu'ils viennent grimper à ton arbre et qu'ils viennent secouer ton arbre pour prendre les prunes, parce que moi, je les mangeais pas personnellement. Les gens, ils venaient chez moi, ils me disent, on peut aller prendre les prunes? Vas-y, va les prendre. Mais si tu viens prendre les prunes chez moi sans me demander un minimum, c'est un minimum. Je te parle de ça, on était petits, hein. Tu vois? Ça va, les enfants? Ça va, papa? Ici, t'es sur la place des amoureux. Là, on vient de la rue qui était là. Regarde, le nom, il est là. C'est l'allée du temps qui passe. Je sais pas qui a donné les noms de... de rue ici. Des enfants de primaire dans les années 70, si je ne me trompe pas. On a dit, voilà, on va construire un nouveau quartier, il va falloir que vous trouviez les noms des rues. Donc ils ont, c'est que des enfants qui ont nommé les rues. Bonjour. Comment ça va, bonjour. Ce quartier des Merinville, au nom de rue poétique, à une demi-heure de RER de Paris, est né à la fin des années 70. Pile au moment où l'accession à la propriété connaît un essor considérable, bien aidé par des politiques du logement très favorables et la naissance d'aides publiques pour obtenir un crédit immobilier. La sociologue Anne Lambert. À la fin des années 60, et même avant 70, le ministère du Logement et un certain nombre d'acteurs publics décident que on voit les premiers excès des grands ensembles. Ils vieillissent mal, ils sont mal équipés, loin des villes. On commence à parler de la sarcellite ou de la déprime des femmes ces premières fois, en même moment que les mouvements féministes. Mais on commence à s'intéresser à ces femmes au foyer qui sont un peu coincées, voilà, et qui dépriment dans ces grands ensembles. Et donc, pour tout un tas de raisons, mais aussi économiques, c'est ouvrir et libéraliser le secteur du logement, le donner au marché, ouvrir un marché du crédit bancaire, soutenir la production de maisons individuelles, etc. Le ministère du Logement organise et met en place un certain nombre de dispositifs pour favoriser l'accès à la propriété individuelle de maisons de ménage. Ça veut dire faire des crédits aidés. À l'époque, on appelle ça le PAP, le prêt à l'accession populaire. Donc là, on voit la massification d'une production de maisons individuelles plutôt en série sur le modèle en fait nord-américain. Bien sûr, on produit pas des ensembles pavillonnaires de la taille de Levitt-Hanson aux États-Unis où on fait 5000 logements ou 10000 maisons d'un coup. En France, on a des ensembles de lotissements petits, plus petits. Mais ce tournant de politique du logement permet un certain nombre de familles d'employés, d'ouvriers, de professions intermédiaires aussi, de s'installer en maison. Cette promotion du logement individuel, accessible, bon marché, il était ciblé sur les catégories populaires également, stables. Hein, s'ils veulent, ils devraient pouvoir accéder à la maison individuelle. Ah ouais, vous avez été là. Quand on était les uns les autres chez la maison, c'est bon, on jouait à la console. Hein. Ouais. On faisait des tournois de foot, de PlayStation. À l'époque, ouais, International Superstar Soccer, grave, ah. Ouais, parce que c'était pas tout le monde qui avait les consoles. C'était pas tout le monde, ouais. Il y avait chez les Tao, tout ça, ils avaient la Super Nintendo. Chez Farba aussi, eux aussi, ils avaient la Mega Drive. On allait chez Intel, on jouait là-bas, on passait des journées là. De ouf. Et avant, en fait, ici, il y avait un genre de chapiteau en bois avec une dalle en béton et on se réunissait ici. Il faudrait que je retrouve des photos de ça. C'était beau. Tu vois le rond là, tu vois. Et on traînait là, en fait. On jouait ici aussi. On jouait du bouchon. On jouait au foot. Mais c'est nous qui avons inventé le jeu. C'est nous qui avons inventé. Mais qu'est-ce que c'est le jeu du bouchon? On récoltait des bouchons. On devait les empiler. La première équipe, elle doit lancer avec une balle de tennis. Si elle éclate les bouchons, il y a une équipe qui se disperse du coup. Et donc du coup, il y en a une qui est chargée de réussir à remettre les bouchons, mais sans se faire toucher par la balle en fait. Parce que si quelqu'un essaie de remettre les bouchons les uns sur les autres, quelqu'un peut le viser avec la balle. Donc il devait esquiver la balle et en même temps faire ce jeu de bouchon là. Et ça c'était un truc, mais c'était énorme. Mais ça aurait pu être un sport qui aurait pu être nationalisé, ça je te le dis. Ça existait que chez nous. Et est-ce que toutes les portes elles étaient ouvertes à tout le monde? Ouais, tout le monde se connaît. Tout le monde connaît tout le monde. Donc ouais, la porte est un peu ouverte à tout le monde. Ah ouais, même plus même, je dirais. Parce que tu toquais à une porte, en fait personne n'allait venir t'ouvrir. Hein. C'est ça. Tu toquais une porte en attendant que quelqu'un vienne t'ouvrir, tu pouvais attendre. Hein. La loi, c'était tu tapes une fois et tu rentres. Et tu t'annonces. Mais si tu sonnes, ça veut dire ça, c'est. c'est l'administration. Il y a juste quelqu'un qui sonne et qui se passe rien du tout. C'est pas normal, tu vois. C'est mieux, tu tapes, tu rentres, comme ça, il n'y a pas de soupçon. Tu vois. Même pour dire chez moi, on a coupé la sonnerie. Pour dire, on a coupé chez mes parents, c'est coupé en tout cas. Ah ouais. Parce qu'en temps normal, c'est tu frappes. Et tu rentres. Tu rentres, tu te présentes, comme il dit, salam alaikum, tu viens, tu rentres. Voilà. Sa maison, c'est ma maison. Ma maison, c'est sa maison au final. Donc en vrai, on ne fait pas de manière entre nous. Tu rentres, si tu as faim, même, on va te faire à manger, tu vas t'asseoir, tu vas manger en fait. La notion d'accueil, ça fait carrément partie de la culture de la majorité des familles qui habitent dans ce quartier-là. Le matin, je me levais quand j'avais pas de beurre. Je prends mes claquettes et je toque et je rentre chez le voisin. Est-ce que t'as du beurre? Ouais, je repars avec le beurre. C'est comme si t'étais en haut dans ta maison. Tiens, je vais descendre dans la chambre en bas, voir est-ce qu'il n'y a pas. C'est ça. Moi, j'habitais au 2, lui, il habitait au 1, je me semble. On habitait dans la même rue. Et nos parents, son père et mon père, ils sont comme ça. Ouais. C'est comme dans une famille, en fait. En fait, il faut vraiment prendre le schéma familial et il faut l'appliquer à ce quartier-là. Moi, à chaque visage que je vois, je le mets dans une catégorie. C'est soit mon grand frère, soit c'est mon petit reuf. Donc, ce côté générationnel, il est aussi important pour qu'il y ait un minimum de hiérarchie dans le respect des anciens et même des petits. Donc, les grands respectent les petits, que les petits respectent aussi les grands. Oui, ça va bien, merci papa. Ça va, tout me va bien. Je remercie. Et vous vous appelez tous papa? Bah oui, tous les papas, tous les mamans, c'est comme si c'était mes mamans, mon papa, mes tantes. C'est ça. Tu vas bien? Comment se construit l'identité d'un lieu? Ici, toutes les origines se côtoient. Près de nous, comme prévu, un barbecue s'installe. L'un des habitants balaye la cour et le canapé, posé sous un grand chêne. D'autres posent des bouteilles de jus d'orange et de soda sur une petite table de fortune et sortent de grands cabas les dizaines de grillades qui termineront bientôt dans les estomacs. Ce quartier, où l'atmosphère ce samedi après-midi est si bon enfant, a connu des heures plus sombres. Dans les années 90, la tension monte et, il y a plus de 25 ans, une fusillade a terni la mémoire de ces rues. Est-ce que depuis tout à l'heure, là où on a marché, est-ce que tu as vu un banc? Depuis qu'on est arrivé, est-ce que tu as vu un banc? Avant, il y en avait partout. Il y avait des bancs partout, il y avait des lieux qui permettaient aux gens de s'asseoir près des chaînes. En fait, toutes ces choses-là, au fur et à mesure, elles ont commencé à disparaître. La volonté derrière, je ne vais pas faire de procès d'intention. En tout cas, la volonté, c'était éviter que les gens se réunissent. Et alors, tu sais que dans toute l'architecture de ces quartiers, tout était fait pour que les habitants s'approprient les lieux, justement. Et ça, on a commencé à nous les enlever. À l'époque, il y avait un service de jeunesse qui s'appelait le LCR, qui permettait à des jeunes de partir en vacances, ce qui leur permettait de pouvoir faire des activités comme de la musique, de la danse. Pour beaucoup, il y en a pour qui des passions sont nées grâce à ces choses-là. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ça a eu un impact dramatique pour les habitants et les jeunes de ce quartier-là, vraiment. Parce qu'on s'est sentis enclavés, ostracisés, exclus. Où on nous faisait comprendre clairement, bah non, vous n'avez pas droit aux activités. Vous n'avez plus droit, en tout cas. Tu vois, il faut observer ça un peu comme une petite expérience. Tu mets des gens dans un cadre, tu leur mets un arbre, un banc, de l'eau fraîche, des personnalités diverses. Ils vont réussir à faire de ce lieu quelque chose de beau, tu vois. Mais retire-les tous ces petits trucs-là, un à un, et après observe ces mêmes personnes-là. Ils vont s'adapter à l'environnement. Et je pense que pour nous, c'est ça qui s'est passé. On a dû s'adapter. Parce que ma génération à moi, on était beaucoup. Tout ce qui est entre 84 et 85, on était même 86, on était énorme. Donc ça veut dire que traîner trop dans la rue, ça pouvait devenir dangereux. Parce que tu pouvais te faire influencer. Quand il n'y a rien autour et que tu restes dans la rue, que tu galères, et quand tu es soit en crise d'adolescence, soit en pleine construction, j'ai envie de te dire même identitaire, c'est des moments où il faut soit avoir l'esprit occupé pour pas penser aux mauvaises choses, ou soit être bien encadré. Tu peux pas en tant que parent te dire, ouais, bon, ça se trouve, mon petit va faire le con quand il va sortir dehors. Parce que tu sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver, tu peux avoir un accident. Tes parents, ils te cherchent pendant je sais pas combien de temps. Toi, en fait, tu t'es amusé, t'as pris le train, t'es allé dans la ville d'à côté. Donc nous, pour nous, c'était sortir de nos frontières. Et pour nous, ça, c'était quelque chose qui était, non, tu peux pas t'amuser à faire ça. Voilà. Donc n'importe quel parent, en fait, ressentait cette inquiétude quand leurs enfants étaient dehors, même si on était dans un lieu sécurisé. Et surtout, eux, ils étaient beaucoup plus conscients que nous de la tension sociale qui commençait à grandir en France sur les questions des immigrés, des fils d'immigrés. Donc faites attention. Il y a des gens, ils vous aiment pas. Tu vois, c'est comme ça. Il y a des gens, ils aiment pas ce qu'on est. Il y a des gens qui nous l'ont fait comprendre et qui nous l'ont dit clairement. Mais c'est pas pour autant que nous, ça nous a poussé à nous renfermer sur nous-mêmes. Donc nous, vu qu'on connaît ce que c'est le sentiment d'exclusion, on peut pas répéter ça avec des gens qui viennent. Tu vois, c'est-à-dire que quand les gens, ils viennent, ils se sentent pas exclus, au contraire. Tu as des personnes qui habitent même pas là, ils ont mis un pied ici, ils sont là et ils reviennent tous les jours. Juste parce qu'ils sentent bien ici. Ils n'ont pas l'impression d'être jugés, ils n'ont pas l'impression d'être rejetés. Comme je t'ai dit, c'est à l'image des portes ouvertes des maisons. Les portes de tout le monde ici, elles sont ouvertes. Tu vois, comme disait Amina la dernière fois, tu vois la cicatrice que j'ai ici, là, sur ce doigt. Ouais. Je vous ai fait en me coinçant les doigts dans ce portail-là. Les pompiers sont venus et tout. Tu vois, le quartier m'est resté, je le garde là toujours. Ce lieu-là, il fait partie de moi, en fait. ça fait partie de mon identité. Mon identité est liée à celui-là, en fait. Ce que je suis, ce quartier m'a fait, en fait. Et ce quartier m'a fait. Définition du mot voisin. Désigne une personne habitant à proximité de son lieu de vie. Les voisins vivent en meute. Les voisins n'aiment pas les jeunes. En ville, les voisins sont très nombreux. Il y a ceux d'en haut, ceux d'à côté, ceux d'encore à côté, ceux d'à côté de l'autre côté, ceux d'en bas, ceux d'encore en bas, et ceux de derrière le mur, ceux de derrière l'autre mur. Les voisins sont des gros relous. Et surtout, les voisins sont de droite. Mais malgré tout, ils ont le droit de dormir en paix. Merci de penser à eux. Avec le collectif Voisinage, la sociologue Joannie Caillouet-Tremblière a mené, en 2018, l'enquête « Mon quartier, mes voisins » qui nous donne plusieurs indications sur la manière dont nous communiquons avec ceux qui vivent à proximité de nous. Le voisinage en 2018, il est loin d'être mort, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans cette société ultra mobile où on a plutôt tendance à se déplacer loin, à être connecté, à pouvoir très facilement échanger avec des personnes qui sont à des dizaines, des centaines, des milliers de kilomètres de chez soi. Ben finalement, les relations avec ceux qui partagent notre espace de résidence, elles sont encore très importantes aujourd'hui. Et le point de comparaison qu'on avait, nous, quand on menait cette enquête, c'est la dernière grande enquête nationale en France qui avait eu lieu sur le sujet. C'est une enquête de 1983, donc on a 35 ans d'écart entre les deux enquêtes. Eh bien, à notre surprise quand même, puisqu'on pensait qu'il y aurait quand même des changements importants, eh bien, on est sur ce qu'on a appelé une étonnante stabilité de l'intensité des relations de voisinage de 1983 à aujourd'hui. C'est ce que Joannie Caillouet-Tremblière et ses pairs ont appelé la politique du pas de la porte. Avec cette question simple, avez-vous franchi la porte d'un voisin ces derniers mois ou avez-vous laissé un voisin franchir la vôtre ? Si on veut prendre une sorte d'indice un peu quantifié, on va voir que c'est les deux tiers des personnes qui déclarent recevoir ou rendre des services à leurs voisins. Alors, le plus souvent, c'est pour des visites de sociabilité, de convivialité, en prendre un café, un apéritif, pour partager un repas, poursuivre une simple discussion. Mais on a aussi des motifs pratiques qui concernent à peu près une personne sur 10 qui va dire « Oui, effectivement, je suis déjà rentrée chez un voisin parce que, si on veut un peu prendre des exemples rigolos, ma fille avait balancé une chaussette et fallait aller chercher chez le voisin du dessous. » Ce qui différencie les manières de voisiner, ce n'est pas forcément le lieu où l'on habite, ni notre origine. L'étude rapporte d'ailleurs que les relations de voisinage communautaire sont un mythe. Sur les près de 5000 relations de voisinage étudiées, seuls 5% concernent deux personnes nées à l'étranger dans un même pays. Non, ce qui pèse le plus sur nos manières d'interagir avec ceux qui habitent à proximité, c'est notre appartenance à une classe sociale. Le mécanisme premier qui vraiment écrase les autres, c'est celui du cumul, c'est-à-dire ceux qui vont avoir les relations, les activités les plus importantes dans leur espace de voisinage. Eh bien, c'est les mêmes qui ont ces relations et ces activités par ailleurs à l'extérieur de leur quartier. Autrement dit, plus on grimpe dans la hiérarchie sociale et plus nos relations de voisinage sont nombreuses. Et vous, jusqu'où ouvrez-vous votre porte ? Est-ce que vous l'entrebâillez seulement ou est-ce que l'extérieur a pour vous une importance particulière ? On arrive dans une très jolie impasse. On est dans la région parisienne, à l'est de Paris, à peu près une demi-heure de train de la gare de Saint-Lazare. Et c'est une impasse avec plusieurs jolies maisons de ville. On a rendez-vous avec Liliane dans quelques minutes. Liliane a 87 ans et elle habite dans la maison dans laquelle on l'a rejoint depuis plus de 60 ans. Bonjour. Chez Liliane, il faut frapper avant d'entrer. Ici, rentrent quelques voisins, principalement pour dépanner ou pour une petite course. Ces deux fils, qui ont presque l'âge de cette maison. Mais surtout, Liliane laisse entrer ici Rachida, quelqu'un qui prend soin de son intérieur dans tous les sens du terme. Excuse-moi, quand je parle, il y a des trucs, je C'est pas bien... Français. Le français, c'est pas tac-tac. Ça fait maintenant 2 ans que je travaille ce métier. Auxiliaire de vie. Et vous connaissez Liliane depuis combien de temps? Ça fait 3 ans, Liliane. Je la connaissais parce que j'avais des amis dans l'immeuble où elle habitait. Donc Rachida est venue. Et depuis, c'est plus qu'une amie. Hein. C'est presque ma fille. Vous ne pouvez pas vous imaginer parce que je peux l'appeler. Vous voyez, ce matin, je lui ai dit, tiens, je t'appelle parce que je voudrais du pain. Quand j'ai eu mes problèmes, que je ne pouvais pas bouger, que je ne pouvais pas faire quelque chose, elle est venue le soir pour m'aider à me déshabiller. Tout ça. Elle m'a emmenée à l'hôpital quand j'avais mes perfusions. Elle fait ce qu'elle veut dans la maison. Je ne lui dis pas, fais-moi les carreaux, fais-moi ci, fais-moi. Elle fait ce qu'elle veut. Moi, je l'ai fait pendant des années. J'ai travaillé chez des gens pendant 25, 26, 28 ans. Mais c'était même plus pareil, je faisais ce que je voulais. Il faut être simple. Et il y a des mamies, ou même un petit peu jeunes, elles me disent, Rachida, parfois on n'a pas besoin de ménage, on a besoin de compagnie. Parler, rigoler, surtout toi, moi je rigole, j'arrête pas. J'arrête pas de parler, rigoler, chanter. Et eux, ils sont contents. Oh bah, elles chantent tout le temps. Les chants des Marocains. Il faut qu'on augmente le moral. Les personnes âgées, parfois, je fais la cuisine chez moi. Comme ça, quand je fais le couscous, quand je fais le harira, les choses marocaines, ils sont très contents. Parce que je vois qu'ils ils mangent que les choses de la mairie. Ah oui, ça aussi. C'est pas top top. Et comme ça, quand je fais à la maison, moi, quelque chose, je dis, ah, demain, j'ai mamie, je la ramène un petit peu. Je vous dis, il y en a qu'une. Je sais pas, même j'ai pas de famille ici, même j'ai pas d'enfants, j'ai que mon mari et tout, mais j'ai pris l'habitude ici comme je suis avec ma famille. Je sens la chaleur avec eux. Quand je fais que, aïe, Rachida, tu es malade, tu es fatiguée, c'est pas la peine que tu viens. Fais attention à toi, comme Lilian quand je viens pour faire le ménage. Je trouve les chaises là, elle a fait la poussière. Je dis, Lilian, qu'est-ce que je fais? Il faut que je m'armue. Qu'est-ce que je... Bien sûr que je pourrais pas le faire aussi, tu feras tout. Mon fils, il m'a dit, maman, faut te remuer. Bon, écoute, je te dis bonnes vacances. Merci. Ouais, je te vois pas 3 semaines. Elle revient, hein. Je rentre le 22, c'est samedi. Lilian, fais attention à toi. Oui. Allez. Habiter, c'est demeurer, refaire quelque chose souvent. Étymologiquement, habiter a la même racine que le mot « habitude ». Car habiter, ce sont des gens que l'on croise aux mêmes heures. C'est un chemin que l'on répète encore et encore, à pied, en poussette, en vélo, en voiture. Ce sont des magasins que l'on retrouve, un travail plus ou moins à proximité, de la famille dans la rue d'à côté. Est-ce que, vous aussi, vous vous demandez parfois, souvent, si vous habitez au bon endroit, si vous êtes à la bonne place, si vous ne seriez pas mieux ailleurs, et pourquoi vous restez là? Moi, par exemple, je me demande régulièrement dans quelle mesure le fait d'avoir construit une famille homoparentale joue sur mes choix d'habitation. Est-ce que nous aurions la liberté, avec ma compagne et notre enfant, de réellement habiter partout? Parfois, on n'a pas ou plus envie d'habiter là, parce qu'on rêve d'un ailleurs. Et souvent, il y a un rêve qui se répète dans toutes les couches de la société, celui de la maison individuelle. Anne Lambert. Les femmes en particulier auraient un désir de maison individuelle, un désir pour élever leurs enfants, un désir aussi d'avoir son espace à soi, de pouvoir se l'approprier, etc. Plus fort que les hommes, vous voulez dire? Plus fort que les hommes, ou en tout cas c'est un implicite. C'est en fait les hommes, en fait moi ce que je regardais dans mon travail de recherche, c'est au nom de quoi, de quel argument les hommes et les femmes en couple, au sein d'un même couple, disent vouloir acheter ou avoir envie d'acheter. C'était un désir pour un statut social. Devenir quelque part un bon père de famille, c'est pouvoir financer un logement, en particulier une maison, pas seulement un appart locatif en ville, mais financer une maison pour sa femme et ses enfants. Quand je regardais le rôle des femmes, de leur conjointe, hein, on était au sein de même couple, l'idée de changer de logement, oui, bien sûr, pour gagner en confort, pour aussi surtout au nom des enfants, mais elles avaient d'abord cherché à accéder à un logement à proximité l'intimité de l'ancien logement. Parce que pour elle, les liens de sociabilité, les liens de voisinage, les liens d'entraide sont fondamentaux dans l'organisation de la vie quotidienne. Or, le problème, c'est que l'accès à la propriété, dans les conditions où il se fait aujourd'hui, depuis les années 2000, c'est-à-dire avec des logements qui sont de plus en plus chers, eh bien, l'accès à la propriété des ménages employés ouvriers, il se fait de plus en plus en périphérie, donc assez lointaine. On parle du périurbain, de troisième couronne, par exemple. Hein. En Ile-de-France, on est dans le pourtour des villes nouvelles. Eh bien, quand on s'éloigne comme ça, en fait, c'est effectivement pour accéder à une maison individuelle, mais on perd. Les femmes en particulier perdent, parce que le coût il n'est pas égal au sein des couples pour les hommes et les femmes, perdent en particulier un ensemble de réseaux d'entraide et de sociabilité qui est constitué historiquement de leur voisinage immédiat. Ça peut être des mères ou des sœurs ou des cousines, enfin des proches de la famille ou des voisines avec lesquelles on avait organisé toute une gestion du domestique pour permettre la vie familiale et la vie professionnelle. Et parce que parfois, déménager c'est perdre, on reste. Cela ne vous étonnera pas, nous ne sommes évidemment pas égaux devant la possibilité de quitter un lieu. Cher monsieur à la perceuse, j'ai du respect pour toutes les pathologies, mais toutes les 20 minutes entre 6h et 9h du matin, c'est tout simplement trop. Peut-être l'intervention d'un professionnel, bricoleur ou psy, serait-elle salutaire? À la Mylène Farmer du 5e étage, nous respectons votre voix de baryton. Mais nous infliger tous les dimanches entre 8h et 10h, je suis libertine, je suis une catin, c'est dur. Vos vocalises amusent beaucoup notre fille, qui depuis peu s'est mise à chanter « je suis très gentille, je suis un lapin ». C'est un enfer. Par pitié pour la santé mentale de vos voisins, arrêtez. Nous vous remercions de participer à la croissance de la population. Mais serions encore plus reconnaissants de pouvoir dormir le matin. Plutôt que de jeter des œufs quand les voisins font trop de bruit, venez sonner, c'est plus sympa. Vous n'êtes pas seul au monde. Vous n'êtes pas seul au monde. Et pour les classes populaires qui ont moins la possibilité de s'évader, de fuir, de contester leur lieu de vie en prenant la parole pour dénoncer une situation, il y a une conséquence. Un ouvrier non qualifié sur 5 est en retrait de toute relation de voisinage. La sociologue Joannie Caillouette-Ramblière. La probabilité, en fait, de quitter son quartier, elle est très inégalement distribuée dans l'espace social. La possibilité de le choisir, déjà, est très inégalement distribuée. Les ressources économiques font que on va être plus dépendant si on est employé ouvrier du marché immobilier, aussi des structures d'emploi, des réseaux de transport. Et donc, on choisit avec un ensemble de contraintes plus resserré son quartier. Et puis, on a plus de difficultés d'en sortir, de le quitter si on est insatisfait de ses relations de voisinage. Alors, on a d'autant plus ça qu'aujourd'hui, la mobilité résidentielle est un peu freinée, en particulier pour les catégories populaires. Et au sein du parc HLM, le taux de rotation, ce qu'on appelle le taux de rotation, c'est-à-dire le fait pour les familles de partir et de pouvoir accéder à un autre logement et que de nouvelles familles arrivent, diminue avec la crise. Hein. Aujourd'hui, il y a un allongement des files d'attente, il y a moins de possibilités de partir parce que l'écart, la marche avec le logement locatif privé est bien trop élevé et donc les familles restent longtemps. Donc elles sont assignées à résidence aussi par les conditions actuelles du marché immobilier et que du coup, les enjeux de réputation, ils sont centraux. Et effectivement, on voit qu'on peut faire face à une mauvaise réputation en fonction des enfants, de leur bruit, de leur usage des pièces communes, etc. On peut y échapper, ou en tout cas, on peut l'accepter quand ça a une fin et qu'on peut s'en extraire. Quand c'est destiné à durer des années, c'est difficile. Ouais. Et donc, on en arrive à dire que, en fait, pour une partie des classes populaires, tout ce qui leur reste, c'est la loyauté à l'égard du voisinage, hein, ce que Hirschman appelle la loyalty. Et donc, elles sont, en quelque sorte, obligées de conserver cette situation, et ce qui explique qu'en cas d'insatisfaction, certains vont se retirer complètement dans leur quartier. Dans les milieux plus populaires, plus modestes, moi, ce que j'observe en particulier, c'est que on cherche pas à faire ami-ami avec les voisins. On cherche au contraire, comme vous dites, à baisser les volets, à se protéger du regard d'autrui parce que c'est le contrôle social du voisinage. Ça veut dire que on se fait classer en fonction de qui on reçoit. Mais c'est pas seulement les personnes qui viennent chez vous qui vous reçoivent. percevez, mais c'est aussi votre niveau de vie. Quand vous êtes en lotissement, en fait, aujourd'hui, c'est des dispositifs quasiment de panoptique. On voit exactement les courses que vous rentrez chez vous, qui sortent. Ça veut dire quelle marque vous avez acheté, combien de courses, combien de fois par semaine, etc. Vous faites livrer, vous allez les chercher. Donc, on voit beaucoup de choses, finalement, de la vie des ménages, des familles. Et je pense à une des accédantes qui disait, mais moi, je suis la voisine invisible. Et l'idée, c'était surtout ne pas se lier d'amitié et ne pas donner à voir son espace intérieur et ce qui s'y fait au reste du lotissement, parce que on va y passer du temps et qu'il faut se soustraire au regard d'autrui. D'autant plus que voilà, les ressources sont étroites, modestes, et donc au regard d'autrui, c'est le regard du voisinage, mais aussi au contrôle social qui est parfois plus institutionnalisé quand c'est les travailleurs sociaux qui viennent chez vous, quand il y a une enquête de voisinage X ou Y, enfin en tout cas quand il y a l'intrusion d'institutions externes qui sont beaucoup plus à l'aise pour aller inspecter qui vous êtes, comment vous vivez, est-ce que c'est bien ou mal, et à produire du jugement normatif. Chers voisins, j'aimerais bien lire Le Monde Week-end avant vous, car c'est moi qui suis abonné. Merci à vous. Chers voisins, suite au départ de mes parents en Espagne, je voulais vous annoncer que les deux prochaines semaines seront infernales pour vous. Drogue, hurlements, alcool. En m'excusant par avance. Oh, jeune demoiselle au piercing nasal du 4. Nous avons déjà partagé l'ascenseur. Vous dirait-il de partager un verre ? Un jeune homme du second. Quand on s'intéresse au type de ressources qu'échangent les classes populaires dans leur quartier, on observe que les ressources qu'ils tirent de leur voisinage sont des ressources beaucoup plus essentielles que celles des autres classes sociales. C'est que les ressources qu'ils vont déclarer, ça va être bien davantage des ressources économiques. Ils vont davantage échanger des informations sur les opportunités d'emploi ou même déclarer que leur voisinage a été important pour eux pour obtenir leur emploi. Ils vont nous parler aussi de ressources morales. Je pense par exemple à une enquêtée qui raconte à quel point c'est important pour elle le retour de ses voisins sur la manière dont elle éduque ses enfants. Elle qui est une femme seule avec ses 5 enfants, elle en retire beaucoup de bénéfices moraux d'avoir cette espèce de retour très positif de ses voisins. Ou alors simplement se faire des prêts financiers, parce qu'il y a des voisins qui se font des prêts financiers parmi les populations les plus précaires. La personne ayant subtilisé mon catalogue La Redoute est priée de le remettre au plus vite dans ma boîte aux lettres, sous peine de persécution acharnée et inventive. Merci. Merci à la pétasse au talon du 5e étage de respecter le sommeil de ses voisins et de s'acheter des pantoufles. Merci au donateur anonyme de courgettes. Bonjour. Vous êtes Jacqueline ? Avoir le luxe de choisir de partir, de choisir le lieu où l'on réside. Nous arrivons dans un HLM particulier, un habitat partagé où des femmes ont décidé de vieillir ensemble, à proximité les unes des autres. Elles ont choisi de quitter leur vie passée pour s'installer à Saint-Priest, dans la banlieue lyonnaise. Notre truc, c'était, on ne veut pas aller en maison de retraite parce qu'on y a mis nos parents et que on a trouvé que pour eux, c'était très difficile. Donc, on s'est mis à penser qu'il fallait qu'on invente notre vieillesse. Et inventer sa vieillesse, on s'aperçoit que c'est tous les jours qu'il faut inventer sa vieillesse. Il faut avoir un idéal. Et cet idéal, eh bien, on le réclame aux gens qui s'inscrivent. Voilà. Ce qu'on demande aux gens, quand ils viennent, c'est d'avoir été militant quelque part et d'avoir le goût des autres, quoi. Et puis de la bienveillance, quoi. Et voilà, c'est l'essentiel. On a tout un vécu qui est long, quand même, hein, puisqu'on arrive là à la retraite. Un caractère chacune. Et bien, ça s'invente tous les jours. Tous les jours, il faut qu'on réfléchisse à ça. Et on est dans l'échange de savoir aussi. Alors, je m'appelle Jacqueline. J'ai repris l'association là, en 2012. Voilà. Et ben moi, je m'appelle Nicole. C'est tout. Moi, c'est Michel. Je suis Baba Yaga hors les murs. Oui, ça, c'est notre architecte. Je m'appelle Marcel. Et ça fait 2 ou 3 ans que je suis dans l'association. Nous avons une charte avant de venir ici, les personnes que nous allons accueillir doivent connaître notre charte. On a mis beaucoup de temps à la formuler. La charte de l'association Oasis des Baba Yaga dit l'intention première, l'art de bien vivre, une utopie réaliste et décline les valeurs et les attentes du projet. Nous mutualisons nos moyens, nos besoins, nous nous aidons à bien vieillir ensemble. Les membres de l'association participeront à la vie du quartier et de la ville. Nous accueillerons des ateliers, des activités, des conférences, etc. La maison est un espace interculturel où toute personne est libre d'être elle-même. On est donc dans un habitat que vous avez choisi à plusieurs. Ici, on est dans la salle commune. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans cette salle-là ? Ben, y en a d'autres qui peuvent parler. Qu'est-ce qu'on fait dans cette salle ? On parle de nos projets, on fait des repas, on fait des ateliers, on s'occupe du jardin quand c'est la période. Voilà, c'est un lieu de rencontre. Par exemple, demain, on va faire une raclette. Alors, tout le monde descend le matériel, les fournitures, tout ça. Le tricot également. On a une amie qui habite au cinquième étage, qui organise. Donc, on est venu tricoter avec elle. Ça bavarde, on rit, on mange, on boit le café. Et puis, du tricot, c'est passé à la couture, c'est passé... À quoi encore ? Il a fallu négocier dur pour avoir tout ce qu'on a eu. Jacqueline, c'est qui ce gâteau ? C'est moi, et il faut le couper en deux, chaque tranche. Parce que... Moi, ce qui m'a amenée ici, c'est... Je ne voulais plus de la solitude. Je vis seule dans mon appartement. J'ai des enfants autour de moi, j'ai ma famille. Mais la solitude est très difficile à vivre à un moment donné. Et puis après, je les ai rencontrés. On est partis en vacances ensemble. On a fait connaissance. J'ai trouvé ça chouette, chouette, chouette. Je me suis dit... Je vais peut-être y aller, je me disais. Je vais peut-être y aller. Et pourquoi vous avez mis un peu de temps avant de dire oui ? Parce que ça faisait 40 ans que j'étais dans mon village. Mes enfants habitaient à quelques kilomètres de chez moi. Et je pensais que c'était pas possible de les lâcher. Ou qu'eux me lâchent. Et les finances chez moi sont très basses, comme chez d'autres personnes. Donc il faut faire attention. J'y vais à condition de pouvoir payer mon loyer. Donc, tout ça me convenait. Donc, en deux, trois jours, en une semaine, j'ai dit, j'y suis. Et je suis venue choisir mon appartement. Et quand vous disiez la solitude me pesait trop, vous étiez seule depuis un moment ? Oui, depuis très longtemps. Ça se transformait en crise d'angoisse. J'étais soignée l'hiver d'avant, j'avais dû me faire soigner. Et ben, depuis que je suis là, je ne sais même plus ce que veut dire le mot angoisse. C'est vrai. Ah, ça veut dire aussi que l'habitat peut changer la vie. Ah ben oui, surtout c'est le partage. C'est la communauté. C'est le partage, la bienveillance, un coup de fil et ben, tu viens un moment. On a eu une amie qui, en soulevant un pot un peu trop lourd pour elle, et elle s'est cassée deux vertèbres. Et j'ai vu une chose formidable se faire. C'est que tous les jours, quelqu'un est venu lui apporter des repas, il est venu lui tenir compagnie toute la journée, lui est venu... Et du coup, ça nous entraîne vers ça, quoi. Parce qu'on n'a quand même qu'une envie, c'est que ça marche jusqu'au bout, quoi. Hein ? On ne sait pas si on y arrivera. On ne peut pas dire « je ne partirai jamais d'ici », ce n'est pas possible. On ne sait pas ce que la vie nous réserve en fin de vie, vraiment en fin de vie. Mais pour le moment, moi, personnellement, je n'y pense même pas. Mais pour le moment, je vis ce que je vis ici, entourée. Mes enfants sont tranquilles. Ça a été un grand débat chez moi, dans ma famille. J'ai rassemblé mes enfants deux ou trois fois pour expliquer que j'aimais, j'avais envie, mais je ne pouvais pas les quitter. Je croyais que je ne pouvais pas, hein, je m'en allais. Et c'est mon petit-fils, enfin de 18 ans, hein, qui m'a dit « Mais ce n'est pas parce que tu vas partir à Saint-Priest, c'est quand même pas le bout du monde. » Mais on ira te voir quand même. Ah, tiens, il y en a un qui... Et tous, on dit, mais ça ne va rien changer, au contraire. Et là, après, maintenant, ils disent, mais on est tranquille, quoi. Ils me voient plus à l'aise, plus épanouie, parce que c'était dur les derniers temps. Et là, maintenant, ils viennent beaucoup. Moins souvent, peut-être, mais plus longtemps. Vous avez combien d'enfants ? J'ai 3 enfants et 4 petits-enfants. On a fait plein de choses formidables dans cette maison. C'est qu'on a travaillé avec les architectes et on a demandé des vrais vœux HLM parce qu'on voulait recevoir nos enfants et nos petits-enfants quand ils étaient en vacances, ce qu'on ne peut pas faire ailleurs. C'est plein de choses comme ça qu'on voudrait remuer et je crois qu'il faut faire bouger quelquefois les lois, mais ce n'est pas facile, voilà. Vous êtes quasiment que des femmes ici, il y a un homme je crois qui est avec vous. Est-ce que pour vous c'était important de vieillir entre femmes ? Non, non, le problème c'est qu'il n'y a pas d'hommes. Enfin si, au moment où il y avait, on faisait toute l'époque de la programmation, il y avait plusieurs hommes. Et puis ils sont échappés tous pour une raison ou pour une autre. Et aucun n'est resté. Mais c'est dommage. Et puis on a eu des hommes qui nous ont dit, il faudrait prendre que des gens de Saint-Priest. J'ai dit non, les HLM c'est national, on ne va pas changer ça quoi. Alors, il s'est levé, il est parti. Il y en a un autre qui s'est mis à draguer des grands-mères de 80 ans alors qu'il avait 60 ans. Et on s'est dit, il a peut-être besoin d'une femme de ménage. On a d'autres préoccupations beaucoup plus intéressantes. On a le même âge, on a les mêmes goûts. Voilà, c'est ça surtout. Alors, il y a la journée des femmes, on va au restaurant ensemble, et là, on a pris l'habitude, on chante toutes les chansons révolutionnaires qu'on connaît. Il y a du monde dans le restaurant, et le monsieur du restaurant était tout ravi. On avait mis de l'animation dans son resto. Quelle chanson, par exemple ? Même un petit extrait. La butte rouge, c'est son nom. Baptême suite un matin, où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Maintenant, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Qui boira ce vin-là, boira le sang des copains. Plus d'applaudissements, quand même. Jacqueline, vous qui êtes la doyenne, à quoi elle ressemblait la maison de votre enfance ? C'est un HLM boulevard des États-Unis à Lyon, dans 4 pièces, papa, maman et 9 enfants, quoi, et voilà. Ça fait réfléchir, quoi, quand on vient d'un milieu très, très pauvre. Et Jacqueline vivait donc dans un immeuble où il y avait un échange entre toutes les familles, tous les étages. Donc cette espèce de communauté, Jacqueline l'a vécue déjà enfant dans cet immeuble-là où tout le monde était chez tout le monde. En fait, là, vous avez eu envie de reproduire votre enfance. Exactement ce que je voulais dire. Je n'ai jamais autant revécu mon enfance que depuis que je suis là. Tu racontes beaucoup aussi... Les voisines qui venaient tous les matins chez ta mère boire le café, quoi. Ah bah oui. Tous les matins. Oui. Et dès que les enfants étaient partis pour l'école, il n'y avait pas d'ascenseur, il y avait 5 étages. Il y avait la cavalcade d'une centaine d'enfants, on avait calculé un jour, il y avait une centaine d'enfants qui descendaient l'escalier pour aller à l'école. Et après, les voisines immédiates, elles venaient toutes boire un café et puis discuter. Et arrivé à 11h, elle disait « Ah ouais, c'est 11h, ils vont arriver. » Et ma mère disait « Je vais faire une soupe électrique. » Elle avait une recette de soupe électrique, des pommes de terre, une poignée de persil et d'ail, voilà. Ce qui lie toutes ces femmes, ce sont des enfances qui se ressemblent, un milieu social modeste, un âge et des souvenirs proches. Mais aussi, et peut-être surtout, ce qui les rapproche, c'est le refus de vivre leur vieillesse passivement. C'est C'est pas une maison de retraite. L'idée d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vient vous proposer une animation puis une autre, ça devient une maison passive. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas. Parce que ces personnes vieillissent bien parce qu'il y a de la stimulation, il y a du projet, c'est vivant. On vieillit bien dans l'échange et il y a trop de personnes qui sont dans le repli total. Et c'est ce qui fait que c'est difficile. Oui, oui. On veut être des citoyennes à part entière. Voilà, c'est ce qui nous anime le plus. Et puis, moi, j'avais... quand j'ai pris ma retraite, j'ai accompagné les gens en fin de vie et j'allais dans les EHPAD et je me suis rendu compte que les gens qui étaient dans les EHPAD passaient leur temps à attendre leurs enfants et nos enfants, ils ont eux-mêmes une famille, ils ont eux-mêmes un travail, ils ont eux-mêmes et ça en plus, quelquefois ça devient un peu dur quoi. Et quand ils lâchent, on voit les gens perdre espoir et, parce qu'ils attendent. Voilà. Alors, du coup, on s'est dit, mais là, on n'attend plus de nos enfants que l'amour de nos enfants pour nous quand ils en ont envie. Mais c'est dur à dire, ça. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas nos enfants. Ça ne veut pas dire que nos enfants ne nous aiment pas. Ça veut dire qu'on est libre. Et qui sont libres eux aussi. Voilà. Chers voisins, pour mes 5 ans, j'ai invité des amis. On va faire la fête d'anniversaire samedi de 15h à 17h. Pardon pour le bruit. Charlotte. J'adore les tableaux avec fenêtres, par exemple de Matisse ou de Bonnard. Oui, j'aime la fenêtre, j'aime beaucoup les fenêtres, en fait. J'aime beaucoup le dehors, donc j'aime que les appartements soient une sorte de porte ouverte sur le dehors. J'adore la maison et son ouverture. Quand j'étais enfant, j'arrivais dans des chambres chez des gens, c'est vrai, je regardais toujours où était la fenêtre ou la porte-fenêtre. Chantal Thomas, romancière et académicienne. C'est là où j'ai la première fois expérimenté le chez-soi. Dans ces allers-retours, entre le bord de mer, la plage ou la forêt, c'est-à-dire un dehors assez vaste, l'idée du chez-soi est vraiment liée au calme et à la fermeture, mais à la fermeture qui ne soit pas obscurcissante, à une fermeture du côté de la transparence aussi. Parce que je pense que ça aussi, ça existe. Non, c'est une fermeture qui dessine un vrai enclos, mais ouverte sur le monde, visuellement, en tous les cas. Chacun, chacune, nous nous fabriquons un nid. Parfois pour se sentir libre, comme les Baba Yaga, parfois pour s'isoler du monde extérieur et de la peur qu'il provoque en nous. Nous sommes au pied d'un immeuble, dans la région parisienne, où une forêt de plantes a pris possession de la cour. Lia est artiste au foyer. Depuis 20 ans maintenant, elle est agoraphobe. Impossible pour elle de mettre le pied dehors. Voilà, on est pris d'une telle panique, d'une telle peur de mourir en fait, hein, parce que c'est ça, hein, c'est la peur de mourir essentiellement, que c'est juste impossible. Il n'y a rien de possible. Il y a la goutte d'eau qui a fait déborder mon vase, quoi. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvée à côté de mon agresseur devant le juge, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en fait. Je tenais le coup jusque-là, mais là ça a craqué, ça a été trop dur en fait. Les victimes sont très très mal accompagnées. Comme il s'agit de mon père, je m'attendais à quelque chose d'humain. Et puis en fait, non, j'ai été extrêmement salie, malmenée. Donc c'était une situation où je me suis sentie complètement brisée. Ça m'a achevée, on va dire ça comme ça. Ouais. Ça m'a complètement achevée. Le soir même, en plein milieu de la nuit, j'ai fait une crise d'angoisse épouvantable. Et puis, il a fallu une petite semaine et un mot de trop. Et puis là, vraiment, du jour au lendemain, je ne pouvais plus du tout sortir de chez moi, quoi. Lia n'a pas pu assister au procès, mais elle est allée jusqu'au bout de sa plainte. Sans ça, elle dit qu'elle n'aurait pas survécu. Son agresseur a été condamné, il est toujours en prison, mais le savoir enfermé n'a pas soigné son agoraphobie. Au début, je me disais que c'était temporaire, que ça allait passer, quoi. Et puis après, on voit que ça dure. Ça dure, donc les premiers mois, les premières années, j'ai énormément souffert. J'ai été très malheureuse parce que je voulais absolument retrouver ma vie d'avant. Puis au bout d'un moment, j'avais pas envie de m'enfoncer davantage, j'avais pas envie de continuer à souffrir, et puis il a fallu que je m'adapte, que j'accepte cette agoraphobie puisque je pouvais pas faire autrement, et que j'apprenne à vivre malgré ça. Et j'ai réussi, c'est-à-dire que j'ai réussi à me marier, à avoir un enfant, à accoucher à la maternité, à déménager, à venir m'installer dans mon chez-moi définitif. La magie de l'amour fait que les premières années où mon fils dépendait complètement de moi, ça allait beaucoup mieux. J'étais encore agoraphobe, mais je pouvais assurer le minimum et même plus, puisque je me rappelle que les premières années, on lui a fait faire tous les musées de Paris. Le pauvre, il n'aimait pas ça. Mais c'est important pour sa culture. Et voilà, des sorties. Je crois même qu'on a réussi à aller au cinéma, au restaurant, dans des parcs. Enfin, j'étais presque guérie, on va dire. Et puis quand il s'est détaché de moi, qu'il a commencé la... Bon, il est allé à la maternelle, évidemment. Hein, mais après, quand il a commencé la primaire, il y a eu vraiment un... Je pense que je me suis retrouvée vraiment seule face à moi-même. Et là, paf, j'ai rechuté, on va dire. Je suis repartie de zéro. C'est là où, malheureusement, la vie n'est pas aussi simple. C'est que la prison, la mienne, bah, elle est dans ma tête depuis la première fois. Et qu'on s'en défait pas comme ça. Même après 20 ans de thérapie, c'est tellement long, mais tellement long de c'est même pas se reconstruire, parce qu'à ce niveau-là, j'ai même pas eu le temps de me construire. Hein. Puisque j'avais 5 ans la première fois, donc j'ai pas eu le temps de me construire du tout. J'ai été détruite, j'ai été tuée. Il a fallu me construire tout court, quoi. C'est-à-dire m'inventer. Pendant très longtemps, j'ai vécu comme une survivante. Mais depuis quelques années, je vis comme une vivante. Plus vivante que la plupart des gens, des fois, je trouve. J'ai une qualité de vie qui est exceptionnelle, en fait. Je trouve aujourd'hui que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance. C'est vrai que j'ai beaucoup souffert. Mais quand même, depuis que j'ai appris à m'adapter, à vivre heureuse, avec, et ma vie est devenue tellement belle et tellement simple que oui, je change ça pour rien au monde, en fait. Et ce qui est fabuleux, c'est que même si on pourrait penser que je vis tous les jours la même journée, et ben pas du tout. Et j'ai l'impression chaque matin de revenir à la vie, quoi, de renaître tous les matins. Donc je me sens fraîche malgré mon âge, malgré mes 47 ans. Je me sens vraiment... Je pense quand même que mon repli dans mon petit cocon fait que je suis quand même protégée de beaucoup de choses. Le soleil n'a pas abîmé ma peau. Et puis je ne vis pas le stress. Je vis une autre forme de stress, et de moins en moins d'ailleurs, mais je ne vis pas le stress de tout le monde au quotidien, puisque moi j'ai tout mon temps. Je suis jamais pressée. Jamais. Finalement, on apprend à s'aimer quand on se retrouve seul avec soi-même. On peut pas faire autrement. Parce que sinon, ce serait insupportable. Donc, on apprend à s'aimer. Et aujourd'hui, je peux dire que je m'apprécie suffisamment. Et je me trouve de bonne compagnie. Et je passe des très bonnes journées. Ouais. Aujourd'hui, Lia vit dans un endroit de rêve où elle est heureuse et épanouie. Un jour, Lia, est-ce que vous pensez que vous ne serez plus agoraphobe ? Et j'ai encore du chemin pour me remettre complètement, évidemment. Hein. Le but, c'est quand même qu'un jour, je ne sois plus du tout agoraphobe. je veux surmonter ça, ne serait-ce que pour la revanche que j'ai à prendre par rapport à mon passé, par rapport aux promesses que j'ai faites à la petite fille qui est encore à l'intérieur de moi. Et quand je me vois dehors, je me vois, bizarrement, je me vois plutôt seule, ou avec mon mari et mon fils, mais en général plutôt seule, me balader dans une forêt ou sur une plage. C'est des moments que j'ai vécu, ça, dans mon passé, hein, que j'adorais. Hein. Vous savez, avec les souvenirs, on peut fabriquer beaucoup de choses aussi. Enfin, je veux dire, pour moi, ce qui compte, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi et tous les bons souvenirs que j'ai pu emmagasiner, c'est resté pour toujours. Et donc, c'est ça que j'ai envie de retrouver. Et puis, voyager quand même. On se dit souvent avec mon mari que quand on sera retraité, on prendra une caravane et puis on fera le tour de France, le tour d'Europe en caravane. Et puis en même temps, c'est pas idiot parce que pour le coup, j'aurai ma maison toujours sur moi, sur mon dos. Donc là, ça se trouve, ce serait peut-être même la solution. Je pourrais aller partout avec ma maison, donc ouais, c'est pas idiot. Comment dire, l'endroit de mes rêves, c'est un petit nid douillet. Voilà, moi je l'aime parce que c'est parce que ça me ressemble, voilà. C'est petit. Parce que je suis petite, je suis très petite. Voilà, j'aime pas les grands espaces. Moi, j'ai besoin de vivre. Une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil. Aux danseuses d'antiquité. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau. Cette fille qui danse à midi. Ainsi certains jours paraissent une flamme à nos yeux. Merci pour leur accueil et leur gentillesse à Adama et Mams et à tous leurs amis du Bronx, au Baba Yaga de Saint-Priest, notamment Jacqueline, Marcel, Michel et Nicole, à Liliane et Rachida, à Anne Lambert, Joanie Caillouet-Tremblière et à Lia R pour leur confiance. Je vous conseille aussi vivement la lecture de Chers voisins, dont tous les petits mots de voisins sont extraits. C'est un livre très drôle d'Aurélie Champagne. Merci à Pierre-Marie Baudouin et Nathalie Canouille pour les lectures. À la prise de son, Geoffrey Marianne, Sandrine Malon et Yvan Charby. Mixage, Éric Boisset. Documentation, Anne-Lise Signoret. Attachée de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Chez nous, épisode 3, Tu seras bienvenue chez moi. Une série d'Élodie Font, réalisée par Véronique Samouilov. Où tout est tranquille, une fille s'est mise à chanter et son chant plane sur la ville, hymne d'amour et de bonté. Mais sur la ville, il fait trop chaud pour ne point entendre son chant. Des hommes ferment leurs carreaux comme une porte entre mort et vivant. Ainsi certains jours. Une flamme en nos cœurs, mais nous ne voulons jamais laisser luire sa lueur. Nous bouchons les oreilles et nous nous voilons les yeux. Nous n'aimons point les réveils de notre cœur déjà vieux. Sur la place, un chien hurle encore, car la fille s'en est allé, et comme le chien hurle.